Livy, un médecin en quelques minutes. Moi c'est Marie, j'ai 33 ans et je vis en région parisienne. Ce week-end j'ai été super malade. Il se trouve que je vis dans un coin où il y a peu de médecins et mon médecin traitant n'était pas disponible ce jour-là. Alors du coup j'ai téléchargé Livy. C'est une application de téléconsultation médicale vidéo. Ça a été ultra efficace quand j'étais coincée au lit. J'ai été prise en charge en quelques minutes par un médecin généraliste et dans la foulée j'ai reçu une ordonnance électronique. Je recommande Livy pour tous ceux qui ont besoin de consulter un médecin rapidement. Livy, un médecin en quelques minutes. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue ou tranquille, dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Fête du sport, une série de Juliette Boutillier réalisée par Annabelle Brouard. Au départ de cette série, il y a les néo-joggeurs du confinement et les humiliations des sports co, mais aussi le plaisir du souffle court de la danse. Alors il faut se souvenir que le sport, c'est aussi beaucoup dans la tête. Alors pour commencer, les personnages. Un escaladeur passionné, un rouleur, une chercheuse face au sport, un trampolineur entraîné, une préparatrice mentaliste et un marathonien exalté. Ensuite, le décor. Des rochers, des salles de fitness, le dépassement de soi, l'hygiénisme, le coaching, des bruyères, des limites, des corps blessés, des records, des saltos et des prothèses. Aujourd'hui, deuxième épisode, promenons-nous dans les bois. Un. On y va pour voir. Deux. On le fait 10 fois. 3. Tournez la tête de part et d'autre en regardant par-dessus l'épaule. Il y a des petits sentiers là, qui mènent à la première plage, là. La plage de l'éléphant. Ah, c'est du vrai beau sable, bien pur. Alors, on en voit un petit peu déjà là. Il est très très fin. C'est du quasiment 100% silice quoi. Il y a au moins 200-300 millions d'années, la mer s'est retirée et du coup il y a eu une dune, une très grande dune de 50 km de diamètre à peu près. C'est pour ça qu'apparaissent ces milliers de blocs, ces millions de blocs même, qui sont si caractéristiques de Fontainebleau. C'est un lieu assez unique. Il y a un toucher du rocher qui est incroyable. C'est un rocher qui a un grain à la fois assez abrasif et mais très doux quand même, puis avec des formes qui sont incroyables. On peut trouver des trucs, on dirait des espèces de peaux de dinosaures ou de mammouths, enfin voilà, il y a plein de formes partout quoi. C'est un peu mon second bureau ici là, parce que c'est une drogue dure l'escalade. C'est vraiment une escalade gestuelle. Et on lit le rocher, on parle de lire le rocher. Et c'est pour ça que c'est si passionnant, c'est hyper ludique quoi. C'est un jeu de gamin ça, de monter en haut de quelque chose. Il y a ceux qui envisagent leur corps comme un compte épargne. Ça c'est le cri de la magnésie. Et d'autres comme si c'était un fleuve. Certaines personnes sont enfermées dans leur corps comme si c'était Alcatraz. D'autres n'entendent la liberté que comme ce que le corps peut réussir. Certaines personnes secouent leur tignasse au rythme d'une guitare électrique. D'autres font l'expérience de secousses électriques surgissant directement de leur système nerveux central. Certaines personnes ne se permettront jamais de sortir du répertoire gestuel acquis. Certaines personnes sentent que leur corps est complètement vide. D'autres l'envisagent comme un placard rempli d'organes. Il y a des gens qui le considèrent comme de la haute technologie. D'autres comme un instrument préhistorique. Hop. C'est bon, ça va? Ok, alors du coup, je vous laisse juste vous mettre à côté que je vois à peu près la taille de vos hanches. Venez ici. Ok, vous allez pouvoir monter sur le vélo, je vais vous clipser les chaussures et après comme ça... je vous explique un peu le principe, comme ça vous connaissez. On a la résistance ici, qui quand on tourne à droite se serre, à gauche se desserre. C'est Justine qui donne le niveau de résistance sur chaque musique et qui va varier la résistance tout au long du cours. Vous allez voir, les jambes ont pédalé debout et en rythme sur la musique pendant quasiment 95% du temps. Bonne séance. Pratiquer le sport, le corps perfectionné, jubilatoire et augmenté. Hop, cela. Le plus vite possible, le plus vite possible. Tout ce qui t'est donné, tout ce qui t'est donné capable. Encore, accélère, accélère, accélère. Le plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Trouve la force de continuer, trouve la force de continuer encore. C'est ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Encore, encore, encore, encore. Le plus vite possible, tu sors de toi. Encore, encore, encore, encore, encore. Reste là, redresse la tête, assume ce que t'es en train de faire. Encore, encore. Et encore une fois, je te le répète, pas de place pour tes peurs, pas de place pour tes doutes, ne doute pas de toi, pas dans cette salle, pas maintenant. Le meilleur de toi dans chaque coup de pédale, c'est la seule chose que tu dois exiger. Le meilleur de toi dans chaque coup de pédale. Regrette rien, avance, c'est gauche, droite, gauche, c'est gauche, droite, gauche. À mon signal, tu repars, mon signal, tu repars, tu réaccélères dans 5, dans 6, dans 5, 6, 7, 8, allez. Accélère, accélère, accélère, encore, encore. Je m'appelle Victor. Ça fait 2 ans que je roule maintenant avec Justine et Lucie. On se dit, c'est qui ces fous qui roulent dans le noir avec la musique à fond en train de se faire crier dessus? Mais en fait, c'est une philosophie. C'est vous dire que vous pouvez aller au-delà de ce que vous pensez être capable de faire. Et finalement, quand vous prenez confiance en vous, vous l'appliquez dans votre vie. Et votre prof devient un peu une drogue dans le sens où vous avez besoin de votre dose de confiance en vous pour pouvoir après l'amener dans votre vie privée et professionnelle. Je peux vous demander votre profession? Alors moi, je vends des fonds d'investissement à des professionnels de la finance. Il y a des avocats, il y a des financiers, il y a des artistes, il y a des étudiants. Il y a plein de gens qui se mélangent. Comme tout le monde est en rythme, tout le monde se fait confiance et tout le monde se tire vers le haut, ce qui est un peu la société actuelle, on en a besoin. Et vous vous connaissez à la fin et donc vous avez plaisir à rouler ensemble et à vous dépasser. Et d'aller au moins au maximum de ce qu'on pouvait imaginer. C'est devenu mental, c'est bien plus qu'une enveloppe. Ici on construit bien plus qu'un physique. C'est droite, droite, droite, droite. Quel usage faire de son corps en mouvement? Quel but? Se dépasser? Chercher l'indéfini progrès? S'accomplir? Réaliser toutes ses potentialités? S'augmenter? S'approfondir? Activer le vivant? S'éveiller, laisser émerger son corps jusqu'à devenir hybride, ni entièrement naturel, ni réduit à un corps machine. Il y a mille et une manières d'engager individuellement et collectivement le mouvement. Certains, comme l'escaladeur poète Fred Griot, s'élèvent, tandis que d'autres courent le regard à l'horizon, pendant que d'autres, encore et encore, perfectionnent le geste, bougent pour entretenir et remplir leur vie. Ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est un renouveau de l'hygiénisme. Ce n'est pas la découverte de l'hygiénisme. L'hygiénisme a toujours existé avec des orientations sociales et politiques diverses. Ce renouveau de l'hygiénisme s'exprime entre, d'une part, une injonction collective à s'entretenir, prendre soin de soi, cultiver sa santé, sa forme, sa jeunesse, sa beauté, et d'autre part, une appropriation individuelle, individualisée de cette injonction qui fait que, effectivement, chacun est tout à fait concerné par sa propre santé et par sa propre mort, l'allongement de son espérance de vie, etc. Et donc intériorise ses normes et ses injonctions pour développer des pratiques qui peuvent sembler libres au fond, qui peuvent sembler inventives, mais qui sont en fait prises entre ces deux pôles, c'est-à-dire à la fois une injonction collective et également une intériorisation individuelle. Bravo à tous pour aujourd'hui, vraiment. Félicitations, soyez extrêmement fiers de vous. Je vous souhaite une très belle journée. vous retrouve tout à l'heure à 19h à Boissy. Sinon, c'est demain, 10h, ici, midi, Boissy. Ciao! Aujourd'hui, cette appropriation, elle se fait à la fois par le biais de l'hygiénisme, au sens où, si je suis en quelque sorte dépourvu des grandes transcendance et idéologie qui avait occupé le XXe siècle jusqu'à l'après-guerre et qui structurait collectivement les identités, si je suis en quelque sorte dépossédée de ces grandes transcendances religieuses, politiques, de tous les ailleurs qui y allaient avec, eh bien, je me recentre sur moi-même, c'est-à-dire sur cette forme d'individualisme qui est de penser le monde à partir de soi. Isabelle Queval. Ensuite, je sculpte avec mes propres valeurs un corps qui va faire sa part à partir des injonctions collectives. Mais aussi, ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est une volonté d'individualisation encore plus poussée des pratiques par le biais du coaching personnel, par le biais des objets connectés qui permettent de se mesurer, par le biais de ce qu'on appelle aussi l'auto-santé, c'est-à-dire le contrôle permanent de tous les paramètres de la santé. Et donc on voit en quelque sorte se manifester ce sport à la carte, mais qui a aussi pour contrepartie la volonté des individus de recréer des sortes de communautés. Si on prend le running, par exemple, c'est à la fois quelque chose qui est très individuel, mais une pratique au sein de laquelle les gens essayent de retrouver leur père, c'est-à-dire des gens qui font la même chose qu'eux, aux mêmes heures qu'eux, de se servir d'applications qui recréent d'une certaine manière artificiellement ces communautés de pratiquants, de joggeurs, avec des défis communs, etc. J'ai joué avec le rocher, je me suis adapté au rocher pour être bien dessus. Donc là, j'ai trouvé une petite prise intermédiaire. C'est les pieds qui vont bosser, les mains équilibrent juste un peu. Et le plaisir, il vient de là aussi, c'est de jouer sur ce bord-là de l'équilibre. Et là, je suis au sommet de ce petit bloc. Il y a le plage de sable et puis surtout il y a une grande forêt de pins avec plein de des bruyères. Il y a des bruyères à perte de vue au pied des pins. Et plein de mousse. Et plein de chants d'oiseaux. Ce qu'on peut faire là, c'est passer dans le petit tunnel. Ça regarde surtout au. Aujourd'hui, il fait sec, en fait, mais au sable qui roule sur les cailloux, là. Ouais. Mais est-ce que c'est un sport ? Oui, c'est un sport. Mais pour beaucoup de gens, c'est aussi un art de vivre. Dans les années 70-80, il y a par exemple beaucoup de grimpeurs qui vivaient, par exemple, dans leur camping-car et qui passaient de site en site et il y en a toujours qui voyagent, qui traversent le monde comme ça. Ça fait appel aussi à des facultés psychiques, mentales, de concentration, de tactique et tout, qui font que ça dépasse l'exercice physique. Mais c'est ça aussi le sport, c'est pas juste bouger, hein, c'est essayer de dépasser un peu sa zone de confort, d'aller repousser un peu ce qu'on sait faire, toujours un peu plus loin. Et ça, c'est le truc qui rend accro sans jeu de mots en escalade, c'est que c'est le truc de gamin, ça, de monter plus haut, d'aller plus loin, enfin c'est l'homme, c'est explorer, c'est. Voilà. Maintenant, on est dans des histoires de performance d'aller chercher de plus en plus dur, mais c'est aussi aller chercher de plus en plus loin, c'est aussi voyager, c'est explorer, quoi. Gamin, j'ai lu plein de livres, parce que c'était des livres d'aventure, quoi. Des aventures réelles, mais des aventures. Le premier 8000, les premières en général, puis après qui ont été racontées de façon complètement épique. Première ouverture dans les drues, toutes ces choses-là. Puis après, toutes les grandes épopées d'accidents, quoi. Et des maisons, 324 heures coincées dans les grandes jorasses. Des choses comme ça, quoi. Et mais qui participaient aussi des mêmes récits que ceux qui allaient au pôle Nord, que Polémide Victor, Karun Taziev, enfin c'était la même famille. C'est toujours, on est poussé, je ne sais pas pourquoi, c'est dans notre nature d'aller toujours un petit peu plus loin. Mais pas forcément pour trouver quelque chose, hein. Il y a la grande phrase célèbre de Lionel Terray qui parlait des conquérants de l'inutile. Le plaisir de la fatigue aussi, le plaisir de l'effort quand on rentre le soir, qu'on est lessivé, qu'on a une belle, bonne fatigue, là qu'on est. On a vraiment. On a donné, on est content d'être là où on est et tout. Et ça participe vraiment, ça, du plaisir. Il y a des gens qui portent leur corps comme si c'était une porcelaine chinoise de la dynastie Ming. Il y a des gens qui vivent pour transformer leur corps en celui de Pamela Anderson. D'autres pour réussir à se fabriquer celui de Jean-Claude Van Damme. Il y a le corps entretenu. Soigné, réparé, entretenu, amélioré, esthétisé. Il y a des gens qui gagnent leur vie en ondulant leurs hanches. D'autres ne savent même pas qu'ils ont des hanches. Il y a le corps sportif. Il y a ceux qui usent de leur corps comme d'une place publique. Par le muscle. Et ceux qui le traitent comme si c'était le Graal. Peut-être d'aisance corporelle, d'aisance gestuelle. Il y a des gens qui croient qu'ils possèdent leur corps, comme le cow-boy possède son cheval. Il y a des corps qui sont peut-être davantage spécialisés. Ils le montent, le forcent au galop, le caressent ou le battent, lui donnent à manger et à boire, le laissent se reposer pour le reprendre le jour suivant. Qui sont très grands, très forts, très musclés. D'autres qui sont tout petits, tout maigres, qui correspondent parfaitement aux exigences physiologiques de leur sport. Ils ne parlent pas avec leur corps, de la même façon qu'on ne parle pas avec son cheval. Ils sont surpris quand ils réalisent que si la monture meurt, ils sont incapables de continuer seuls. Alors, il y a le corps qui est à la marge du corps idéalisé ou du corps idéal. C'est le corps blessé, c'est le corps mutilé, c'est le corps non entretenu, c'est le corps handicapé, sans être du tout amélioré par une quelconque prothèse, c'est-à-dire au fond tout ce corps qui est à la marge du corps maîtrisé, parce que notre société occidentale valorise le corps maîtrisé et du coup elle dessine par défaut, elle dessine à contrario un corps non maîtrisé qui peut être aussi un corps stigmatisé. Je pense au corps de l'obèse par exemple. L'obèse est stigmatisé parce que dans une société qui valorise le contrôle, le corps de l'obèse semble hors de contrôle, sans contrôle, c'est-à-dire sans volonté, par exemple. Et donc, au jugement médical se superpose un jugement moral, un jugement à portée économique. Si vous remplissez un questionnaire pour les banques ou pour les compagnies d'assurance et qu'ils vont vous demander quel est votre rapport taille-poids, par exemple. Donc, existe aussi tout ce corps en marge du corps rationnel, qui est un corps qui se manifeste également, qui parfois se revendique. On voit de temps en temps des revendications d'un corps pour ce qu'il est, pour ses sensations et pour son apparence non maîtrisée. Et donc ce corps-là fait en quelque sorte contrepoint à l'idéal du corps maîtrisé. Certaines personnes sentent que leur corps est complètement vide. Il y a ceux qui aiment leur corps plus que tout, et ceux qui éprouvent une honte indicible. Il y a ceux qui font tout rapidement, mais n'ont jamais le temps de rien. Et il y a ceux qui font les choses avec lenteur, qui sont même capables de ne rien faire du tout. Censé tout de suite dessus, c'est un peu dur ça. Là par exemple, ce bloc c'est un gruyère, mais il faut vraiment imaginer de l'emmental là. Celui-là il est en dévers, c'est à dire qu'il est plus que le vertical, il penche au-dessus de nous, et puis ben, il est plein de trous. Et on va jouer avec ces trous pour grimper dessus. Il faut faut imaginer qu'on a un fil à plomb, j'allais dire accroché au nombril et qui descend entre les jambes, et on va travailler le corps de façon à travailler aussi le centre de gravité et de pouvoir se placer au mieux. C'est entre le singe et la mouche, quoi. Ouais. Puis le plaisir, là, ça va pas être seulement de monter en haut, mais aussi de trouver du plaisir gestuel, là. C'est une petite danse, quoi. Ouais, très bien. Voilà, alors ce pied, là, il est à plat sur une prise plate, donc il va bien falloir l'écraser pour qu'il colle. Et pousser dessus, pour de façon à monter l'autre pied. Ouais, super, super, super. T'as peut-être des prises meilleures pour les pieds. Ouais, voilà. Maintenant, tu transfères ton poids sur ton pied droit. Et puis, ouais, ça va tenir. Le pied droit, il va tenir, c'est sûr. Voilà, monte un tout petit peu ton pied gauche. Voilà. Voilà, je suis là, je te pars et il y a le crash pad. Alors, regarde bien tes pieds avant de passer le bord du sommet du bloc. Parce qu'après, tu verras plus tes pieds. Regarde tes pieds avant, regarde tes pieds avant. Ouais, t'as ça ou t'es un peu plus haut. Typiquement, c'est pas les bras qui bossent, ça, c'est la cuisse qui va pousser, pousser. Allez, allez, c'est ça. Ah, voilà. Ok. Moi, il se trouve que il y a longtemps, j'ai pratiqué le solo, quand j'avais 18-20 ans. J'ai jamais été un fort grimpeur, mais l'aspect du solo, pour moi, était important à un moment. C'est en fait, le solo, on est... évidemment, il y a une recherche. Il y a une recherche de prise de risque sur le fil du rasoir. Mais il y a aussi une histoire de, j'allais dire, du geste parfait. Moi, avec les quelques voix que j'ai fait en solo, on n'a pas le droit de tomber. Donc, il faut être nickel. Il faut être faire corps avec le rocher, il faut connaître la voix, il faut être humble, il faut regarder, il faut vraiment savoir à quelle place on est. Il faut bien se placer, il faut bien s'équilibrer. Comme il n'y a pas une deuxième chance possible, il faut... voilà. Et du coup, c'est une expérience personnelle qui est très très forte. La fierté d'avoir réussi un truc un peu qui sort du commun pour soi et puis par rapport à beaucoup de gens. Et puis, une forme d'ivresse. Il y a une forme d'ivresse quand on sort d'un truc comme ça, une douce ivresse, mais un bien-être qu'on retrouve sur la scène. Quand on écrit de la poésie ou un roman, c'est pareil, qu'on rend l'inutile aussi. Mais on va un peu plus loin, on essaye un peu de dire ce qu'on est, de dire comment on vit, et puis de sentir aussi. Bah, aller chercher des sensations qui sortent un peu du train-train, quoi, justement, pour sentir les choses vibrer. Sans doute l'hédonisme pur existe, les pratiques sont tellement diversifiées, tellement individualisées qu'au fond, il est très difficile d'évaluer la part de plaisir de chacun dans sa pratique. Ce qu'on constate, c'est que dans le discours relativement normé, pour ne pas dire plus, des champions sportifs après la compétition, il y a souvent cette notion de plaisir, de se faire plaisir, qui entre en ligne de compte. Mais ce qu'on peut remarquer également, c'est que l'articulation entre le plaisir et la douleur dans la compétition sportive et dans l'entraînement sportif, c'est une articulation qui est quand même très ambivalente. Il n'y a qu'à lire notamment les récentes autobiographies de certains champions sportifs, que ce soit celle du tennisman américain André Agassi, que ce soit celle de la nageuse française Laure Manaudou. Je hais la natation, dit-elle, de la même manière que Agassi dit « je hais le tennis ». Donc, cette pratique quotidienne de l'excellence, de la performance, du dépassement de soi, la recherche au fond du dépassement de la douleur, conduit aussi à des formes d'excès, l'une d'entre elles étant la négation pure et simple de la douleur. On le voit dans le discours de certains marathoniens, Paula Radcliffe par exemple, qui est une marathonienne de très haut niveau, qui dit qu'il ne faut pas écouter son corps. Alors c'est très paradoxal parce qu'en même temps, le sportif au quotidien est obsédé par la sensation. Voilà, c'est quelqu'un qui fonctionne autour de la sensation, même de manière complètement égocentrée. Il est obnubilé par sa sensation, ses bonnes ou ses mauvaises sensations, de manière extrêmement subtile, pointue. Tous les médecins du sport le disent, tous les ostéopathes du sport le disent. Soigner un sportif de haut niveau qui connaît aussi bien ses sensations et son corps, c'est pas toujours simple. Et en même temps, il y a cette volonté un peu masochiste d'aller au-delà, c'est-à-dire d'être dans le contrôle de cette sensation, dans le dépassement de cette sensation, pour accéder à la performance. Donc c'est un enchevêtrement qui est assez subtil et qui évidemment comporte des excès possibles, ce qu'on appelle en sport, de manière assez triviale, la casse. Récemment, l'oncle et entraîneur du tennisman Rafael Nadal a dit « Rafael n'est pas un joueur de tennis qui se blesse, c'est un blessé qui joue au tennis ». Donc c'est assez évocateur du rapport qu'on peut avoir à son corps dans ce cadre-là. Le processus de rationalisation du corps commence au XIXe siècle, dans l'atmosphère du XIXe siècle, qui est à l'invention donc de nouvelles sciences, en l'occurrence les sciences humaines, qui sont destinées à mieux comprendre l'homme, à le comprendre sous toutes ses coutures, sous tous ses angles, sous tous ses aspects, dans le but d'améliorer à la fois l'individu et l'espèce. Dans ce contexte-là, naît le sport moderne. Et le sport moderne s'inspire beaucoup, et d'ailleurs l'échange est réciproque, de ces instruments de mesure, de ces quantifications qui obsèdent le 19e siècle. Et donc la performance moderne, celle d'aujourd'hui, est l'héritière de ce 19e. Lorsqu'on évoque les objets connectés comme une modernité tout à fait innovante, en réalité, on reprend un esprit qui est celui du 19e, où il s'agissait effectivement de tout comptabiliser, les pas, les respirations, le souffle, les battements du cœur, la force, etc., pour pouvoir évaluer à la fois la normalité et l'extraordinaire de l'humain. On peut ajouter aujourd'hui l'apparition des data qui sont très utilisées dans certains sports et qui confirment cette inscription du sport dans le monde de la statistique. On voit bien que on est immergé dans un océan de chiffres qui permettent un calcul de plus en plus rationnel de la performance. Si je prends l'exemple du tennis, on va rentrer dans un ordinateur les statistiques de dizaines et de dizaines de matchs de tennis et des manières dont les différents champions auront frappé leur coup droit, leur revers, dans quelle direction, à quel endroit du court, dans quelles conditions, comment ça s'est passé, quel en a été le résultat, qu'est-ce que ça donne dans tant de pourcents des cas, etc. Tout ceci est rentré dans des ordinateurs et ressort sous forme de données statistiques propices à améliorer l'entraînement ou à orienter l'entraînement d'un sportif. Si on lui dit par exemple, dans 50% où Nadal, des cas où Nadal joue son coup droit sur le revers de Federer, Federer commettra une faute, bon, c'est un data. Mais le croisement de toutes ces statistiques forme au fond un savoir que possèdent les staffs les mieux équipés, les mieux dotés, les mieux pourvus, etc. Ce qui est finalement assez amusant, c'est que on dit que la beauté du sport souvent réside dans la glorieuse incertitude du sport, mais tout l'entraînement du sportif, et en particulier l'automatisation du geste, la récurrence de l'entraînement, sont faits au contraire pour réduire au maximum cette incertitude du sport. Là, exactement. Si tu veux réussir l'exercice, tu vas éviter de le faire. Regarde, là, tac. Ouais. Là, je fais mine d'envoyer, mais en fait, exactement. Regarde, ça ne change rien. Et du coup, tu vas pouvoir derrière, si je m'en vais, là ton carrière va jouer son rôle. Ok, là, là. Exactement. Qu'est-ce que c'est qu'entrer dans le flow pour un athlète de haut niveau? Alors le flow, c'est aussi ce que les athlètes appellent parfois la zone. Je suis dans la zone, c'est au fond une sorte d'alignement des planètes où tous les automatismes qui ont été acquis à l'entraînement rentrent dans une forme d'inconscient, c'est-à-dire dans une forme de routine, il n'y a plus besoin d'y penser. Et au moment de la compétition, les choses se déroulent presque automatiquement, comme on les a tellement répétés à l'entraînement. Avec cette petite part, évidemment, qui caractérise aussi cette sensation, c'est qu'une fois que tout est automatisé, régulé, rentré dans une routine, rentré dans une habitude, au fond, c'est la définition de l'habitude, il y a la possibilité d'exprimer ce que certains manifestent, c'est-à-dire une forme de grâce, ce surplus qu'on peut voir chez un Federer, chez un Messi, c'est-à-dire on se demande comment ils arrivent encore à passer dans des espaces, dans des moments qui n'appartiennent qu'à eux. Exactement, Max. Si vous regardez l'attaque du Barça en foot, vous voyez bien que par moments, les choses ont été tellement répétées qu'on a l'impression qu'ils ont des yeux dans le dos. Et très fréquemment, les commentateurs disent ça. Ils disent, mais comment il a vu ça? Il a vraiment des yeux derrière la tête, que ce soit Messi, que ce soit Suarez, il sait que l'autre va faire ça. Et puis, d'une manière générale, il y a cette automatisation qui permet d'aller dans un dépassement qui parfois peut prendre une teneur mystique. Je pense à toute une longue interview de Senna qui avait été publiée dans l'Équipe magazine et où Senna disait des choses de ce type. Voilà, je suis plus que dans mon état conscient, j'ai une sorte de force qui me rapproche de Dieu. On sentait qu'il était déjà dans une espèce de demi-conscience, ce qui paraît presque effrayant pour pratiquer la conduite automobile. Mais on voyait justement que la maîtrise complète peut conduire justement à cette forme de transcendance au fond. On va commencer par là-bas, la plus belle structure qui fait plus de 9000 m2, couverte et chauffée. C'est unique en France et je crois même en Europe, ce qui permet à nos athlètes de s'entraîner en fait dans des conditions. Bah, toute l'année il fait froid ici, donc là c'est chauffé. Ici on a à peu près plus de 1000 personnes qui vivent au quotidien sur site, que ce soit les sportifs, les entraîneurs et les personnels encadrants de l'INSEP. Camille Allengrain. Après, il y a tous les métiers qui sont là aussi. On a les métiers donc, du juridique, de la comptabilité, nous à la communication. Enfin, c'est une ville avec... Quand on rentre ici, c'est incroyable ce qui est donné à voir. Quoi. C'est joli. C'est beau. Coloré. C'est, au niveau de l'architecture, c'est quand même toutes ces structures bois. En fait, c'est une piste d'athlétisme. Il y a un vélodrome qui est carrément au milieu de tout ça. On voit qu'il n'y a pas trop de monde. On commence à arriver sur les périodes de compétition et les beaux jours. Et du coup, leur fédération, que ce soit l'athlétisme ou d'autres sports, les emmène dans des pays un petit peu plus chauds. Et donc là, ce sont tous des sportifs qui sont blessés. Donc Armelle, qu'on voit en noir, vous voyez, tout habillée en noir, elle est prof de danse à la base. Et du coup, elle leur fait faire tout ce qui est étirement, yoga, posture. Pour vous raconter un peu l'INSEP, les hommes qu'on appelle, moi je les appelle les hommes en bleu. C'est une équipe, ce sont des employés INSEP qui sont là pour nettoyer, réparer. C'est un peu... J'aime pas ce mot-là, mais les hommes à tout faire, mais ils sont absolument indispensables. Et ils sont une équipe, je crois, de 11 personnes et ils sont répartis sur les 28 hectares. Chacun a un petit peu sa spécialité ou en tout cas sa salle. Mais si l'INSEP est aussi beau et bien entretenu, c'est complètement grâce à eux. Allez. est un athlète fabrique dans sa tête une image du geste sportif, ou lorsqu'il récite sa routine du geste sportif, ou lorsqu'il observe son mouvement, on dit que le sportif, il est engagé dans une expérience de simulation motrice. Claire Calmels. Il fait du sport dans sa tête. Donc là, Brendan va faire un éducatif du trif groupé. Là, il se concentre. Il va imaginer, donc il imagine les yeux fermés, en position debout. Il mime les différents temps et en même temps, il ressent. Je m'appelle Brendan, je fais du trampoline depuis mes 6 ans, donc ça va faire 17 ans que je fais du trampoline. Donc on s'entraîne tous les jours sur un trampoline de 2 mètres sur 4 pour rester au centre de la croix et sauter le plus haut possible avec les acrobaties les plus élevées possibles. Les athlètes au meilleur niveau, dans un mouvement de 10 figures, on fait 24 saltos avec 15 vrilles. Et on est à 6 mètres de, entre 6 et 9 mètres de hauteur pour les filles et les garçons. Moi, c'est mon entraîneur qui m'a orienté vers Claire pour corriger quelques défauts techniques que j'ai sur la toile. Ma première séance, je m'en souviens bien, il y avait une introduction avec Claire où elle me disait qu'est-ce que je voulais travailler, qu'est-ce que je venais rechercher en préparation mentale. En fait, la première séance, en général, je laisse parler l'athlète au co-construit. Je lui demande quelle technique de simulation motrice il maîtrise. Est-ce qu'il arrive à fabriquer facilement dans sa tête des images? Est-ce qu'il se parle beaucoup dans sa tête? Est-ce qu'il regarde beaucoup la vidéo? Ou est-ce qu'il utilise beaucoup le mime? Une fois que je lui expliquais toutes ces techniques, je lui dis « Bon, ben maintenant, Brendan, tu me fais une touche dans ta tête et Lucille, bah, tu me fais aux autogaries dans ta tête. » Dans la dernière minute. Et allez, on fait basculer le match maintenant. Mettez-vous dans l'état d'esprit que vous êtes mené. Pour le petit plus. On fait basculer le match dans votre faveur. Maintenant. Je m'appelle Lucille, je suis judoka, j'ai commencé à l'âge de 5-6 ans et j'ai maintenant 28 ans. Pour ma part, comme j'étais blessée au genou, je faisais le travail de simulation motrice en étant assise. Et donc je me mettais sur un petit tabouret rond avec des roulettes et puis je fermais les yeux. Je me tenais droite, un peu dans la posture que je peux avoir au judo, mais juste en étant assise par contre. Et je mimais avec mes mains. Donc ça bouge un petit peu, il y a les mains qui bougent, en même temps que je m'imaginais faire le geste. On pourrait croire que c'est facile de se l'imaginer parfaitement, puisque on sait tous comment ça doit être fait. Donc. Mais même en faisant en imagerie, c'est parfois difficile d'arriver au geste parfait, rien qu'en se l'imaginant. Ce programme qui se base sur la simulation motrice, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « Ah oui, il y a des chercheurs, et notamment le groupe de Decetti et Grèce, qui ont montré dans les années 1999-2001 qu'il existait une équivalence neuronale lorsqu'un athlète réalise une action pour de vrai et quand il réalise une action imaginée ou une action observée. Quand on fait une action imagée ou une action observée, on active donc ces zones motrices et les zones des sensations. Et on a beaucoup de chance parce que ces zones-là, elles sont également activées lorsque l'on réalise l'action pour de vrai. Ça veut dire qu'il y a des zones communes qui sont activées. La seule différence qu'il y a, c'est que quand on fait une action imaginée ou une action observée, le mouvement n'est pas généré parce qu'on appelle ce qu'il y a une inhibition motrice. C'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle une gate, une sorte de portail qui empêche l'ordre moteur ou le programme moteur de passer cette porte et donc qui ne permet pas d'initier le mouvement. Et le deuxième champ théorique sur lequel je me suis appuyée et qui est important, c'est le champ de la plasticité corticale. Le cerveau, c'est le siège d'un certain nombre de mécanismes et c'est un système qui présente une capacité, une aptitude extraordinaire. C'est un système qui est capable de modifier ses configurations. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'il est capable de modifier les réseaux neuronaux. Par exemple, lorsque l'on est soumis à une situation d'apprentissage, que ce soit un apprentissage moteur ou cognitif, c'est une contrainte qui est issue du milieu extérieur, mais qui permet au cerveau de créer de nouveaux chemins, de nouveaux réseaux neuronaux suite à cet apprentissage. De la même manière, le cerveau est capable de défaire des circuits neuronaux dans un cas, par exemple, dans un cas de déprivation sensorielle. Par exemple, quand le sportif est blessé, il ne peut plus s'entraîner. Ne pouvant plus s'entraîner, il ne perçoit plus ses sensations périphériques. Si cette déprivation sensorielle est amenée à durer dans le temps, eh bien, ces représentations motrices, elles sont amenées à disparaître. Alors attention, les sportifs de haut niveau, comme vous avez commencé votre activité depuis que vous êtes tout bébé, Lucille m'a dit 4-6 ans et Brendan de la même manière, ils ont répété tellement les gestes que les représentations motrices, comme on dit dans notre jargon, elles sont saillantes. Mais s'ils sont blessés pendant 2, 3, voire plusieurs mois et qu'ils ne pratiquent plus l'activité physique, leurs représentations motrices seront quand même dégradées. Dégradées, comment je le sais? Parce que certains sportifs me disent « Bah voilà, j'arrive plus à me voir faire mon mouvement ou mon geste dans ma tête, ça s'efface. » Ça devient tout flou. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est possible de générer des sensations périphériques sans réaliser d'action proprement exécutée ? La réponse est positive. Et comment fait-on ? Ben, c'est la simulation motrice qui est en capacité de générer ces sensations. Le judo, là, au niveau des sensations, grâce au fait que je m'y mets avec les mains, j'ai réussi à sentir, il me semble, un petit peu avant, sur le haut du corps, sur les mains. Et les jambes, ça a été un peu plus long, parce que ça fait 3 fois que je me faisais cette blessure, 3 fois que j'étais opérée du genou. Les autres fois, je n'avais pas fait ce travail-là avec l'air, donc j'ai pu comparer. Ce qui est difficile quand on ne fait pas de judo pendant très longtemps. Donc il y a cette notion de saisie au judo qui est très particulière, qui fait travailler les doigts, les mains, l'avant-bras et qui fait mal à ces endroits-là. Et quand on ne le fait pas pendant longtemps, quand on reprend, on a de nouveau très mal à ces endroits-là. Et moi, quand j'ai repris le judo, je n'ai pas eu ces sensations très difficiles. Je n'ai pas eu mal aux mains comme j'ai pu les avoir les autres fois où je n'avais pas fait ce travail avec l'air. Et on y retourne. En fait, il y a un questionnement autour de la notion d'excellence, et en particulier d'excellence corporelle, et de qu'est-ce qu'on entend par être excellent. Et donc, être excellent, au fond, manifeste une ambivalence. C'est l'ambivalence entre le bien et le mieux, entre l'équilibre et l'excès, entre la mesure et la démesure. Si on prend, par exemple, le culte de la performance, on voit bien que, depuis les années 90, par exemple, on a vu un contre-discours émerger au culte de la performance, notamment au sein de l'entreprise, au sein de l'école. On sait que le culte de la performance conduit à ce que certains ont appelé la dépression nerveuse généralisée, conduit au burn-out, conduit à l'échec scolaire, etc. Ce contre-discours existe. Il ne peut pas exister et il n'existe pas au sein du sport de haut niveau, parce que, pourrait-on dire d'une manière essentiel ontologique, le sport de haut niveau depuis sa création repose sur l'amélioration de la performance et donc aussi sur l'amélioration de l'humain. Donc ce qui est intéressant, c'est d'étudier à travers lui quelque chose qui n'est en aucune manière atténué par des contre-discours. Alors effectivement, ça peut nous mener à évoquer dans ce registre-là la technicisation du corps, des corps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes dans la vie quotidienne tous plus ou moins hybridés à nos oreillettes de téléphone, à nos téléphones portables, à nos ordinateurs, à nos automobiles, à nos appareils électroménagers, mais dans le sport, la technique est omniprésente parce que depuis l'origine, la recherche sur les matériels, les matériaux, sur le geste, sur les techniques comme savoir-faire est omniprésente. Depuis l'origine, on a été sur un fil tendu entre le permis et le défendu, c'est-à-dire à la fois l'amélioration extravagante qui consiste à gonfler les intestins d'un nageur de gaz ou à concevoir des chaussures à ressort pour les sauteurs à hauteur, ça c'est du registre du défendu, et puis dans le permis, eh bien, on voit toutes les améliorations techniques qui sont innombrables, c'est-à-dire les roues profilées, les casques aérodynamiques, les matériaux qui ont changé complètement le saut à la perche, par exemple, ou la pratique du ski, ou la pratique du tennis. Donc on voit que la technique, elle est omniprésente dans le sport. Et ce qui apparaît aujourd'hui de manière extrêmement médiatisée et beaucoup plus spectaculaire qu'autrefois, c'est le fait qu'un corps qu'on pourra dire augmenté, qui est à la base un corps réparé, c'est-à-dire celui d'une personne en situation de handicap portant des prothèses, ce corps augmenté va approcher les performances des sportifs valides, voire risque de les dépasser très prochainement. Et donc, une nouvelle problématique a surgi ces dernières années, à savoir non plus la sorte de commisération qu'on avait à l'égard des sportifs handicapés, mais cette interrogation qui porte sur certains d'entre eux, le plus connu étant Oscar Pistorius, à savoir, est-ce qu'aujourd'hui on courra plus vite avec des prothèses de jambes que sans prothèses de jambes. Et à ce titre-là, je cite l'exemple de Amélie Le Fur, qui est donc une athlète paralympique française multimédaillée, qui évoque cette problématique en disant que pour son cas personnel, elle n'a qu'une prothèse de jambes et que par rapport à des athlètes qui ont deux prothèses de jambes, elle risque à l'avenir d'être désavantagée parce que sa jambe naturelle connaîtra des limites, tandis que sa jambe artificielle peut être techniquement sans cesse améliorée. Détendez bien la colonne cervicale. Laissez progressivement le regard s'abaisser, centre de la poitrine. Laissez progressivement inspirer par les deux narines en ujjayi. Si l'on était un papillon, une buse, une antilope, une raie, une girafe, ce serait plus facile. Fermez la narine droite. Laissez expirer par la narine gauche en ralentissant le souffle. Mais il y a tout de même ces plis secrets d'une gestuelle qui s'invente. C'est trembler, c'est bouger, c'est jeter, c'est faux pas, c'est trébuchement. Et surtout, les mouvements lents. Travailler encore 5 cycles. Si lent. Par exemple, la façon dont tombe la Vierge dans la pâmoison de Ligier-Richier, dans l'abbatiale de Saint-Mihiel. La façon dont elle est retenue, dont les doigts de l'ange la touche, faisant plus que l'effleurer. Une douceur, un tombé qui retient la douleur. Tandis que dehors, la forêt. Quand je cours, mon attention se porte d'abord sur mon corps, sur mon rythme cardiaque, sur tout ce qui entrave son mouvement ou au contraire le facilite. Je ne suis plus que corps, ensemble noueux qui cherche à avancer coûte que coûte. Le sang y circule, se propage par le cœur, pompe qui ne se relâche pas, dont le rythme s'emballe avant de revenir à de plus sages proportions. Les muscles s'allongent ou se contractent, la douleur s'installe dans les jambes ou disparaît. Je ne suis plus séparé de mon corps. C'est pourquoi je me sens exister comme jamais. Ça va être mon 14e. Celui-là, je crois qu'il est 2012 ou 2014. Marathon de Paris, 15 avril 2012. Ah, 2012, voilà. Finisher. Voilà, bah oui. Ah non, c'est super, Paris, attends, puis je sais pas combien de centaines de milliers de personnes qui t'encouragent, du début à la fin. Bon, cette année, ils ont changé un peu le parcours. Là, on va passer devant Opéra, apparemment, là. Et puis dans le bois de Boulogne, pareil, là, on fait une petite boucle. Et là, ça va être grandiose, quoi. Puis là, apparemment, là, il va faire beau, frais, mais beau. C'est fantastique, quoi. Et en plus, tu cours avec des tas de gens. Alors moi, quand je cours, des fois, tu sais, t'as des gens avec des drapeaux un peu spéciaux. Alors je demande, what's this flag? Australian. Oh yes, good luck. C'est génial. Et à partir du 35e, là, quand tu commences à rentrer dans le bois de Boulogne, là, tu vois beaucoup de gens qui marchent. Alors, moi aussi, je marche, hein, par séquence, quoi. Et puis, hop, il y a des gens qui t'encouragent, qui te prennent la main, qui disent, allez Thierry, t'abandonnes pas. Je dis, non. Et on va jusqu'au bout. Et puis, au bout, bah, t'es le roi du monde, même si tu as mis 4h30, 5h, 6h. Mais t'en fous, t'es vraiment le roi du monde, quoi. Tout du long, tu vois les pompiers avec leur grande grue, là. Et puis, ils t'encouragent, ils sont tous là-haut, là, je sais pas, à 10 mètres de haut, 8 mètres de haut, là. Puis, ils t'encouragent, attends, mais c'est, oh, ça donne à l'art. Tu vois, j'en suis tellement ému que tous ces bénévoles qui nous donnent des coups de main, là, c'est fantastique. Moi, je le fais en 4h, 4h30. Faut le tenir le jour J, tu vois. Et bien, sur toute ta préparation, par exemple, tu fais jamais 4 heures. Le maximum que tu puisses faire, là, le dimanche matin, ben, c'est 2h, 2h un quart. Et le jour J, eh ben, tu tiens tes 4h ou tes 4h30. Et puis les pros, les gens qui vont très vite, à 3h15, 3h30, bon, ils sont... Toi, ils sont fins, quoi. Au niveau diététique, déjà, ils font pas trop d'excès. Et puis... Mais vous êtes un peu corpulent. Oh oui, oh, ça va être dur demain. Ah, j'ai essayé de perdre, mais j'ai pas réussi. Mais bon, ça fait rien, hein. On va essayer quand même. Hein. De toute façon, l'objectif... À un moment donné, quand tu t'inscris comme ça sur un marathon, c'est le terminer. Parce que même si tu le finis largement au-delà de tes espérances, eh ben, t'as vécu quelque chose d'exceptionnel. Ah, puis je sais pas, t'es bien. Moi, j'habite dans le pays Bigoudin, dans le sud Finistère, en Bretagne. Là, tant quand on s'entraîne là, du côté de Baigmel, quand tu fais la côte de Pinmar, etc., quand tu vois la mer d'un côté, tu vois des petits lapins qui gambadent à droite à gauche, tu vois des oiseaux, enfin tu sais, t'entends les goélands, les mouettes et tout ça, c'est sur le bord de mer. Tiens, voilà mon copain, mon ami Kevin. Oh mon Kevin, ah je te fais la mise. Mon ancien prof de maths. Bah oui, ça va. Marathonien depuis l'année dernière, bah, oui. Sur ses conseils. Bah, oui. Il m'avait donné les fascicules. C'est ça, ouais. Le fascicule, le plan de Paris, tout, nickel. Ouais, Christophe qui court avec moi aussi. Bon, on le fait tous les deux, en fait. On le fait tous les deux, mais dans 15 jours, on fait une plus grosse course. Donc, ouais. C'est vraiment la dernière course de préparation pour... Ouais. Lui, fait les 115 km de Madère. Oh, les 105 moi, du Bretagne Ultra Trail, ouais, 105 km. Tu vois, au début, attends, tu dis, le marathon, attends, c'est l'Everest. Et puis, tu vois, je dis 4h, 4h04, quoi. Oh là là, j'ai hâte d'y être. Faites du sport. Pratiquez le sport, le corps perfectionné, jubilatoire et augmenté. Avec Fred Griot, Isabelle Queval, Claire Calmels, Thierry Mitraille, Camille Alangrin, Brendan Renaud, Lucille Duport, Justine et Victor de la salle Dynamo. Merci à Laure Meunier et Gany Yalouz, à l'INSEP et à l'équipe de la Dynamo. Documentation Anne-Lise Signoret, Antoine Villoz et Véronique Le Faller. Prise de son, Olivia Branger, Claire Levasseur et Yves Lehor. Mixage, Manuel Couturier. Coordination, Marie-Vonne Abolivier et Perrine Kervran. Une émission de Juliette Boutillier, réalisée par Annabelle Brouard. 1, 2, 3, ouh ! 1, 2, ouh ! 3 LSD à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour nous réécouter pendant l'entraînement, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode du compétiteur au tricheur. Mais en attendant, restez à l'écoute. France Culture, pas si bête, Céline Duchesnet. Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, la mouche drosophile. C'est probablement la mouche la plus connue au monde, mais peut-être pas toujours pour les bonnes raisons. Car la drosophile est le modèle en recherche en génétique par excellence. Tout ça parce qu'elle possède des chromosomes énormes, faciles à extraire et à étudier. Donc si vous êtes étudiant en biologie ou chercheur, la drosophile est votre compagne de laboratoire. Grâce à elle, on en sait beaucoup plus maintenant sur les règles de génétique. Mais ce que l'on sait un peu moins, c'est que la drosophile est aussi un petit animal sauvage qui vit loin des paillasses et des blouses blanches, qui se nourrit et se reproduit. Pas si loin de nous en plus, puisqu'on la trouve près des fruits qui mûrissent, comme ces bananes un peu mûres par exemple. La drosophile vient y manger la levure qui se développe sur le fruit en cours de fermentation. La Drosophila melanogaster, pour reprendre son petit nom latin, est gourmande, on l'aura compris, mais intéressons-nous maintenant à son mode de communication. Elle peut envoyer des signaux chimiques. Elle possède sur la surface de son corps des composés d'hydrocarbures qui participent à l'identification des mâles et des femelles. Un petit coup de patte, je touche la tuticule de la drosophile en face de moi et je sais si mâle ou femelle il y a. Car la mouche a des pattes semblables à des organes sensoriels, un peu comme si elle avait greffé aux pattes des nez et des langues capables de déceler saveurs et odeurs. Mais ce n'est pas tout. La mouche drosophile chante. Notamment pendant la parade nuptiale. Le mâle va produire un air particulier en présence de la femelle qu'il convoite. Le scénario est toujours le même. Il va lécher les parties génitales de la femelle, se rapprocher d'elle de façon à former un angle à 45 degrés, écarter ses deux ailes et produire alors ce son, soit avec une aile, soit avec les deux. On appelle ça le chant sinusoïdal, un son composé d'une seule fréquence basse et qui a la forme d'une onde tout en courbe. Chant qu'il peut alterner ou combiner avec un autre, composé celui-ci d'unités sonores produites en rafales très brèves et séparées par des intervalles de temps de 35 millisecondes en moyenne. C'est le chant de l'amour qui, de façon pratique, donne des indications sur l'espèce « je suis une mouche drosophile » et qui a pour fonction aussi de captiver la femelle en augmentant sa stimulation et en la rendant plus réceptive à l'accouplement. Mais attention, au final, c'est la femelle qui décidera. En effet, pendant les parades, on a pu enregistrer les sons de la femelle. Si elle n'est pas intéressée par le mâle, elle produira ce qu'on appelle un son de rejet, une sorte de prout très bref et explosif. Le message est clair, déguerpie. Mais si elle accepte, place au Kamasutra sonore. Cette sorte de bourdonnement que vous entendez n'est autre que l'accouplement de nos deux mouches. Le mâle monte sur la femelle qui écarte légèrement les ailes afin de lui présenter ses parties génitales ouvertes. Et à ce moment-là, le mâle produit ce son caractéristique plus aigu que le chant sinusoïdal. Pas de temps à perdre, la parade durant 2 à 3 minutes. Approchez votre oreille à 1 mm de l'insecte, vous pourrez ainsi entendre le chant d'amour des drosophiles. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnet avec la complicité de Fanny Ribac de l'Université Paris Sud et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.